En voyant Crevel, si petit garçon, avec cette hideuse et infâme momie, dont la corruption était pour le maire lettre close, en le voyant surtout si profondément méprisé par Valérie, qui riait de Crevel comme on rit d'un bouffon, vraisemblablement, le baron se croyait tellement à l'abri de toute rivalité qu'il l'invitait constamment à dîner. Valérie, protégée par ses deux passions en sentinelle à ses côtés et par un mari jaloux, attirait tous les regards, excitait tous les désirs dans le cercle où elle rayonnait. Ainsi, tout en gardant les apparences, elle était arrivée, en 3 ans environ, à réaliser les conditions les plus difficiles du succès que cherchent les courtisanes et qu'elles accomplissent si rarement, aidées par le scandale, par leur audace et par l'éclat de leur vie au soleil. Comme un diamant bien taillé que Chanor aurait délicieusement serti, la beauté de Valérie, naguère enfouie dans la mine de la rue du Doyenné, valait plus que sa valeur, elle faisait des malheureux. Claude Vignon aimait Valérie en secret. Cette explication rétrospective, assez nécessaire quand on revoit les gens à 3 ans d'intervalle, est comme le bilan de Valérie.